Chapitre 263. L'interdiction formelle du faux témoignage. Allah Ta'ala dit: et abstenez-vous des paroles mensongères. Sourate 22, verset 30. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Lui, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. Sourate 17, verset 36. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Sourate 5, verset 18. Car ton Seigneur demeure aux aguets. Sourate 89, verset 14. Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages. Sourate 25, verset 72. 1550. Selon Abu Bakra, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: « Voulez-vous que je vous indique les péchés majeurs les plus graves ?» Nous répondîmes: « Oui, ô messager d'Allah. » Il dit: « Le polythéisme et la désobéissance aux parents. » Puis il se mit assis alors qu'il était accoudé et ajouta: « Et le faux témoignage. » Il ne cessa ensuite de le répéter au point que nous nous sommes dit: « Si seulement il se taisait. » Al-Bukhari et Muslim.